Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions enregistrées en décembre 2017 sur la fatigue. C'est le moment de bâiller, de vous rendormir, de vous laisser bercer par le récit d'un homme qui n'a qu'une envie, rester couché toute la journée en robe de chambre sur son divan. Paresse ou sagesse ? Telle est la question. Je vous présente Ilya Ilitch Oblomov, dont voici l'histoire. Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Илья Ильич Обломов était un homme de 32 ou 33 ans, de taille moyenne, à la figure agréable, aux yeux gris foncé, mais on eût vainement cherché à lire sur ses traits le moindre signe de volonté ou de profondeur d'esprit. Sa pensée voltigeait sur son visage comme un oiseau, tournoyait dans son regard, se posait sur ses lèvres entrouvertes, se cachait un instant dans les plis de son front, puis disparaissait complètement. Et l'insouciance, alors, éclairait tout son visage. Et de son visage, cette insouciance se transportait dans toutes les poses de son corps, et même jusque dans les plis de sa robe de chambre. Zahar! Bonjour Pierre Canet. Bonjour. Vous n'êtes pas venu en robe de chambre ? Non, je ne suis pas venu en robe de chambre, ça aurait été un gag auquel j'ai pensé, mais j'ai quand même résisté à quelque chose d'aussi gros. Et vous, à la différence d'Oblomov, vous connaissez le travail, en tout cas vous avez travaillé suffisamment pour produire une merveilleuse préface qu'on trouve dans l'édition d'Oblomov en folio classique. Qui date de 2007, c'est dans la traduction d'Adamov. Il y a plusieurs traductions disponibles de ce texte, celle-ci est celle avec laquelle je travaille, je tiens à le dire, et donc bravo pour cette préface. Faites-vous partie de ceux qui pensent qu'Oblomov a tout compris en restant allongé toute la journée ? C'est une manière de présenter le personnage, malheureusement, qui est assez réductrice, très réductrice. Et je vais vous donner lecture... 15 secondes, s'il vous plaît bien. De quelques lignes d'un de mes devanciers dans la préface d'Oblomov, mon ex-collègue Jean-Jacques Cateau, je dis ex parce qu'il est un peu plus âgé que moi, et donc on ne se croise plus, malheureusement. Et voilà comment Jean-Jacques Cateau, qui était un excellent slavisant, dit, dans sa préface, à son édition d'Oblomov. Oui, je fais de la publicité pour une édition qui n'est pas la mienne. Ça me semble plus élégant. Et... c'est pervers de ma part. Dites-nous. Si vous n'aimez pas les larges fleuves qui se prélassent paresseusement dans leurs lits confortables, ni les vastes demeures russes du siècle passé, avec leurs pièces innombrables, leurs recoins, leurs saignées frais où fermente le kvass et où les cornichons parfumés à la nette macèrent dans leurs saumures, non loin des chapelets de champignons séchés, leurs cuisines mystérieuses où toute une armée de serves domestiques pétrit la pâte, prépare les plats traditionnels, etc., etc., etc. La phrase est très très longue. Eh bien, elle se termine. Si vous préférez au contraire le torrent de l'action, le roman engagé ou nerveux, les aventures étourdissantes et montrer peu de prédilection pour Flaubert et les explorateurs de l'âme humaine, alors n'ouvrez pas ce livre. On y mange beaucoup, on y paraisse encore plus, on y regarde la vie et on y rêve. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, cette présentation d'Oblomov est horriblement réductrice. Et, à mon avis, est bourrée de lieux communs. Vous savez, dans la vieille tradition du commentaire de texte, on distinguait le sens littéral, le sens symbolique, le sens allégorique, le sens anagogique, etc. Je vais arrêter là mon érudition tout à fait inutile ici. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand on prépare Oblomov, selon les lignes que je viens de lire, on passe complètement à côté de la valeur symbolique, de la valeur anagogique et du fond de la création littéraire de Gontcharov. C'est quoi la valeur anagogique, professeur ? Le sens anagogique dans la tradition culturelle, c'est le sens sacré. C'est-à-dire, les grands textes sont des textes dont il faut s'approcher de manière lente, et en ayant le grand souci de ne pas effacer par le sens littéral évident ce qui est sous-entendu, l'implicite, etc. Or, je pense que Gontcharov, quand il a écrit son Oblomov, avait un projet, je vais le dire le mot, un projet philosophique. Oui, c'est pas un gros mot, pas ici en tout cas. Oblomov et le roman de Gontcharov, qu'il publie en 1859. Gontcharov n'est pas très connu. Il a déjà écrit avant de publier Oblomov, mais il n'est pas très connu. Il livre ici un récit de presque près de 500 pages de cet homme qui est resté célèbre. Si l'on veut, le nom évoque quelque chose. On dit que Oblomov est l'homme couché, celui qui passe sa vie sur un divan, en robe de chambre, à essayer de répondre à une correspondance dont on dira deux mots, qui le met en prise avec un domaine dont il est responsable et dont il n'arrive pas à s'occuper. Et malgré les différentes tentatives de son meilleur ami Stoltz, l'homme debout qui incarne la Russie moderne, malgré une rencontre amoureuse, passionnée avec la ravissante Olga, Oblomov ne veut rien faire de sa vie. Et c'est pour ça que la question se pose, est-ce un choix ou est-ce qu'il subit ce destin? Est-ce de la paresse? Est-ce une fatigue qui s'abat sur lui? Ou bien finalement, a-t-il tout compris? N'est-ce pas le signe d'une grande lucidité dans le prix à payer et l'immobilité? C'est évident, mais je vais ajouter, si vous le voulez bien, quelques aspects importants. Vous êtes là pour ça, c'était une invitation à le faire. Il y a chez le personnage d'Oblomov tous les ingrédients des très très grands romans. Un grand roman, c'est fait de quoi? C'est fait du destin d'un personnage, parfois de deux, rarement de plus de deux. En même temps, c'est une image extrêmement précise d'un moment historique. En même temps, c'est une vision du monde de type finalement philosophique, théologique, comme on voudra dire. C'est-à-dire qu'un très grand roman n'est pas seulement de la psychologie d'un personnage. À travers un personnage aussi marqué qu'Oblomov, se dessine ce qu'on appellera de manière rapide une vision du monde. Et cette vision du monde, chez Gontcharov, elle n'est pas confuse du tout, mais elle est masquée. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? C'est le personnage du vieux serf Zakhar. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qui est le domestique d'Oblomov. Oui, bien sûr. Le vrai personnage, le personnage le plus important d'Oblomov, c'est Zakhar. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est l'homme qui, précisément, lui aussi vit presque couché. Presque couché. Mais comme il est serf et qu'il faut qu'il fasse quelques petits gestes, parce qu'il est le serviteur de ceux qui sont encore un peu debout. Ce personnage-là est un personnage plein de doutes, d'ironie, d'angoisse, de douleur de vivre. Et une douleur de vivre qui n'est pas seulement parce qu'il est serf, mais parce que tout simplement, il est un homme. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire cette littérature-là. C'est une littérature qui ne s'arrête pas à des archétypes psychologiques. Nous autres Français, on a une très belle littérature, je l'ai enseignée toute ma vie, je ne vais pas cracher dessus, mais nous sommes très obsédés de psychologie et d'archétypes. Ah, quand on tient un Tartuffe, on tient quelque chose. Quand on tient Harpagon, on tient quelque chose. Quand on tient... Mais où est l'homme là-dedans? Et si c'est cette description purement psychologique ne venait pas faire obstacle à autre chose, autrement plus important. Le philosophe couché, le Platon en robe de chambre de la formule célèbre « pour Oblomov. Ce qui est important dans cette formule, c'est pas la robe de chambre, c'est Platon. Lui-même se pose Oblomov. Surnommé Platon par son propre narrateur, donc ce Platon en robe de chambre, c'est une expression de Gontcharov lui-même. Bien sûr. Oblomov se pose tout le long du texte la question de savoir qu'est-ce que l'homme. Et c'est pour ça que les très grands romans sont au service de cette question simplissime. Ce serait une mise en scène littéraire de la tragédie qui nous constitue. Bien sûr. Savoir, nous ne sommes pas de quoi nous sommes faits, nous ne savons pas où nous allons, mais nous vivons. Comme nous dirait Beckett, et pourtant ça continue. Et pourtant ça continue. J'aime que vous citiez Beckett à cette occasion, car vraisemblablement c'est l'écrivain de langue française, je précise bien de langue française, et qui n'est pas un Français, mais tellement bouffé par la littérature française qu'on peut le citer. Beckett est vraisemblablement l'homme qui est le plus proche de cela. On va écouter un dialogue qui d'ailleurs rappelle les dialogues de Beckett. C'est au début du roman, une discussion, si j'ose dire, un dialogue, même pas un échange peut-être raté entre Oblomov d'un côté et Zakhar, son domestique, de l'autre. L'extrait est issu d'une interprétation par Guillaume Gallienne, qui a contribué à rendre Oblomov assez connu en France, de par son travail théâtral et ici cinématographique, puisqu'il a adapté ce texte à la télévision. C'était diffusé sur Arte le mois dernier, avec lui-même dans le rôle d'Oblomov et Yves Gasque dans le rôle de Zakhar. Écoutez. Alors, il y a Illich. Alors quoi? On y dit quoi au propriétaire? À propos de quoi? Sur le déménagement. J'écris pas au propriétaire, j'écris au gouverneur de ma province. Parce que je me disais, les autres, ils sont pas pires que nous. Et eux, ils déménagent. Alors on pourrait aussi, nous... Comment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Les autres, ils sont pas pires. Voilà où tu en es. Ah bien? Eh bien, maintenant, je saurai que pour toi, je ne suis rien de plus qu'un autre. Mais voyons, Ilyich, est-ce que je vous compare à qui que ce soit? Hors de ma vue! Eh ben voilà. Moi qui voulais consacrer ma matinée entière à un travail productif, eh ben pour toute la journée, j'ai le moral à zéro. Et tout ça à cause de qui? De mon propre domestique, dévoué et pour... Tu as pensé ce que c'était, un autre? Tu veux que je te le dise? Eh ben voilà. Un autre? C'est un homme qui s'habille tout seul. Il se cire ses chaussures lui-même. Il ne sait pas ce que c'est qu'un domestique. S'il a une course à faire, il y va tout seul. Il n'a personne à envoyer. C'est ça, un autre. Alors, dis-moi. Je suis un autre, moi, d'après toi, hein? Tu penses que je suis un autre comme lui, là? Non, non, non. Vous êtes complètement un autre. Est-ce que je m'agite, moi? Est-ce que je travaille? Non, justement, il ne travaille pas. Il est ironique d'entendre cet échange comme si Zakhar l'empêchait de travailler alors qu'il passe les 200 premières pages du roman à essayer de travailler tout en se rendormant en permanence. Zakhar a bon dos, mais c'est l'occasion de poser une bonne question, Pierre Canet. Non pas juste « qu'est-ce que l'homme ?» puisqu'à cette question, on n'a pas vraiment de réponse, mais « qu'est-ce qu'un autre ?» En tout cas, on ne sait pas ce que c'est qu'un homme, mais Oblomov est persuadé d'une chose, c'est qu'il ne veut pas être un autre. Et... c'est très intéressant le choix qu'a fait Gontcharov de ce dialogue, qui est un dialogue qui, d'une certaine manière, là encore, on peut retrouver Beckett. Le pitre est un personnage essentiel chez Beckett, mais chez Gontcharov aussi. Et le pitre, c'est celui qui pose une question apparemment burlesque, mais qui cache par pudeur sa profondeur derrière des... qui apparaît comme des plaisanteries qui n'ont pas de sens. Le non-sens est au cœur de cette plaisanterie. Qu'est-ce que c'est qu'un autre? Comment tu m'as confondu avec un autre? Moi, qui ai une personnalité fondamentalement différente de toutes les autres. Comment oses-tu? Hurle ce pauvre Oblomov auprès de Zakhar. Et pour comprendre la profondeur de ce dialogue initial dans le roman, il faut aller à la fin. Car c'est très bien construit, le roman de Goncharov. Il est admirablement construit. Puisqu'à la fin de son roman, Goncharov a eu l'idée de faire que le personnage rencontre Zakhar, qui est devenu un ivrogne, qui a toujours été un ivrogne complètement hébété, et qui maintenant est un pauvre mendiant qui erre dans les rues et qui est une pauvre loque humaine. Cette loque humaine, elle apparaît à la fin. Mais elle est déjà là au départ, mais c'est la loque qui va dire la vérité de l'homme. Et c'est ça la profondeur qui se cache derrière Beckett. C'est dans ce dialogue entre Beckett et Goncharov que j'aimerais situer notre dialogue sur Oblomov. C'est la vraie lumière de ce livre, qui est un livre métaphysique. J'y tiens beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui dort ? C'est un homme qui met sa conscience lucide et critique, entre parenthèses, un certain moment. Pourquoi ? Pour la faire mourir ? Non ! Pour la manifester dans son éclat le plus grand. C'est quand il dort, c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'une conscience assoupie, que l'homme est lui-même. Tant qu'il est une conscience critique et exacerbée, il n'est pas encore dans l'angoisse au sens de Kierkegaard. Il n'est pas encore fondamentalement devenu ce qu'il est au départ, c'est-à-dire un homme. Et cette manière de faire, elle n'est pas française, hein. Il se trouve que Beckett est anglo-saxon d'origine, c'est pas un hasard, Irlandais. Et que Goncharov est russe. Ce sont deux visions de l'humanité que notre culture française profonde n'a pas vraiment cultivée. Elle a préféré passer à autre chose. Elle a préféré soit rire, se moquer, soit au contraire simplement évoquer, effleurer, sans jamais dire vraiment le fond des choses. Les Français ont préféré Marivaux à Goncharov. C'est pour ça que vous avez travaillé sur ce texte, que vous avez travaillé avant. Vous êtes professeur émérite en langue et littérature française à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez écrit sur Descartes, sur Pascal, qui sont d'ailleurs des philosophes, hein, de la part d'un littéraire, c'est déjà un pas de côté, des auteurs français du XVIIe siècle. Et là, on vous retrouve comme préfacier d'un texte russe du XIXe siècle. Oui, je ne vais pas faire une biographie, mais il se trouve que j'ai une grand-mère d'origine russe. Je sais vaguement de quoi je parle sur ces gens-là. Et il y a une espèce de dérision à l'égard d'eux-mêmes, une profondeur, une volonté de ne pas se prendre au sérieux, une volonté de ne jamais perdre de vue que le vrai sujet d'un écrivain, c'est l'homme, dans tous ses aspects. Jamais oublier l'essentiel, jamais, surtout. La littérature française que j'adore, quand elle tourne autour de Candide, elle me semble un peu misérable. Je vais jusqu'au bout de l'idée, excusez-moi, hein. Je vais choquer des gens là. La littérature française d'un certain ordre, elle est d'une pudeur qui masque ce qui devrait au contraire être démasqué. Et c'est ce que fait Oblomov. Vous dites que la vérité de l'homme apparaît quand celui-ci dort. Oblomov a une chance, c'est que quand il dort, il rêve. Et quand il rêve, il se remémore son enfance, qui est pour lui un paradis perdu, un lieu de vie idéale, absolue, qu'il cherche, qu'il passe son temps à essayer de retrouver. Et c'est pourquoi il va renoncer à toutes les sollicitations qu'on lui propose, car aucune n'est à la hauteur de ce qu'il a vécu. Et quand on lui pose la question, quand son ami Stolz lui demande de décrire son idéal de vie, voici sa réponse. Oblomov glissa les mains sous sa nuque et une expression de repos se peignit sur son visage. Il était déjà en esprit à la campagne. Le temps était magnifique, le ciel bleu, pas un seul nuage. Et selon mon plan, un côté de la maison serait tourné vers l'est, c'est-à-dire vers le jardin, et l'autre vers le village. En attendant que ma femme se réveille, je passerai ma robe de chambre et me promènerai au jardin pour respirer l'air frais du matin. Là, je trouverai déjà le jardinier à son travail, et ensemble nous arroserions les fleurs, taillerions les buissons. Je cueillerai un bouquet pour ma femme. Puis j'irai prendre un bain, soit dans la baignoire, soit à la rivière. Et quand je reviendrai, la fenêtre serait ouverte sur le balcon. Et là, ma femme, en blouse, avec un bonnet si léger qu'il tiendrait à peine sur la tête et risquerait de s'envoler à chaque instant. Elle m'attend. « Le thé est prêt, me dit-elle. » Et quel thé, et quel baiser, et quel fauteuil reposant. Je m'assieds près de la table, et sur la table, il y a des biscuits, de la crème, du beurre frais. Ensuite, je mets un large veston, je prends ma femme par la taille, et nous nous enfonçons dans une allée ombrageuse. Nous marchons, lentement, comme en rêve. Nous ne disons rien, ou encore, nous pensons tout haut. Nous comptons les minutes de bonheur comme les battements du pouls. Nous écoutons battre et défaillir notre cœur. Et la rivière clapote doucement et les blés frémissent sous la brise. Il fait chaud. Nous montons, ma femme et moi, dans une petite barque. Et c'est à peine si nous levons nos rames. Puis surgissent deux ou trois amis, toujours les mêmes, et la conversation est reprise exactement au point où on l'avait laissée la veille. Et les plaisanteries pleuvent, à moins qu'un silence éloquent ne s'établisse, un silence qui permet le rêve. Et le rêve non pas au sujet d'une place perdue ou d'une affaire sénatoriale quelconque, non, un rêve de plénitude, un rêve de désir comblé jusqu'à l'excès de la jouissance. Vous écoutez le rêve d'une vie idéale selon Oblomov, le personnage éponyme de Gontcharov, écrit en 1859, dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de sa deuxième émission dans notre série sur la fatigue, en compagnie de Pierre Canet, à qui l'on doit la préface à ce texte en folio classique. Lorsqu'il fait ce récit magnifique et qui dure encore des pages et des pages, hein, Pierre Canet, Oblomov s'adresse à son ami Stolz qui lui dit, qui l'interrompt pour lui dire « Mais tu es un poète, Ilya ?» Car le prénom d'Oblomov, c'est toujours compliqué chez les Russes, hein, mais c'est Ilya Ilitch. Il répond « Oui, poète dans la vie, parce que la vie, c'est de la poésie, libre aux hommes de la fossée. » C'est à ce moment-là, on se dit qu'il a tout compris quand même. C'est un passage que j'aime beaucoup. Et Stolz, c'est l'allemand. Donc il y a tout un système symbolique. C'est l'homme de l'entreprise, du travail, de l'énergie, de la volonté de pouvoir. D'ailleurs, c'est lui qui finira par épouser Olga. C'est très bien construit, le roman. C'est Stolz qui présente Olga à Oblomov. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Oblomov se sent incapable d'être à la hauteur de sa passion. Il fait capoter l'histoire de manière assez pathétique et très douloureuse. Et Olga finit par épouser Stolz. Bien sûr. En fait, il ne peut pas épouser Olga. Parce que Olga vit elle-même, on le saura dans le roman. Tout le spleen, le mot anglais classique est dans le texte de Gontcharov. Hein. C'est pas de ma part une fioriture. Hein. Gontcharov y a pensé, il a utilisé le mot spleen pour Olga. Et Olga est cette part de nous-mêmes, un peu en fuite, un peu toujours en filigrane de la vérité de notre être. Mais en même temps, le personnage d'Oblomov sait qu'il n'est pas à la hauteur du type de bonheur que Olga représente. Mais même quand je dis « n'est pas à la hauteur », je m'exprime mal. C'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, il est ailleurs. Il habite un ailleurs où l'angoisse qui est au cœur du personnage et qui est la marque essentielle de l'Oblomovtchina, c'est-à-dire cette maladie. L'oblomovisme, on a traduit en français, l'oblomovitude selon les traductions. Oui, on a même traduit oblomovrie. Voilà. Pour que, grâce à un suffixe qui rappelle l'ivrognerie, il y a la dimension péjorative. Donc, Oblomov sait que cet être n'est pas pour lui. Cet être n'est pas pour lui parce que c'est un être qui le priverait d'une partie de son âme essentielle. Ce n'est pas de la faiblesse. Je vais plaider dans un sens qui va déplaire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la fidélité à ce qu'il pense être sa condition humaine. Se marier avec Olga... On n'épouse pas Olga. On va laisser ça à Stolz. Hein? On va laisser ça à un esprit plus rude, plus pragmatique, plus concret, plus matérialiste. Si on veut s'élever au-dessus de cela, on ne peut pas épouser Olga. C'est pas avec elle qu'on aura des enfants. C'est avec une paysanne. C'est avec une fille de la campagne. Une femme qui ne sait qu'agiter ses coudes pour faire de la farine, etc. Pour faire à manger. On a tous vu dans le roman la place considérable de la nourriture dans le monde de l'Oblomovka, qui est le monde de l'Arcadie russe. L'Oblomovka, c'est le nom du domaine. Le nom du domaine. Où il a grandi. Où il a grandi, cerné par les serfs, hein, et où sont le père Oblomov, penché à la fenêtre, accoudé à la fenêtre, regarde dans la cour les gens qui s'agitent, et qui, à un certain moment, dit « Oh, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, laissons cela. » Alors, le Français qui dit ça se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Paresseux. Ce sont des paresseux. Et c'est justement ça que je voudrais essayer de persuader nos auditeurs. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Si on va s'arrêter là, c'était pas la peine d'écrire un roman génial. Un paresseux, un Jean Foutre, on en croise autant qu'on en veut. Pas la peine de faire 500 pages géniales sur la condition humaine pour conclure à la paresse. Ça n'en vaut pas la peine. Restons couchés. Pour aller dans votre sens, même si nos auditeurs peuvent rester couchés le temps de cette émission, hein, libre à eux, et au contraire, je pense qu'ils vous entendront encore mieux. Écoutons un autre extrait d'Oblomov, le roman de Gontcharov, un extrait qui va dans votre sens, qui montre bien qu'Oblomov est beaucoup plus intéressant qu'un simple personnage paresseux qui a mieux à faire que travailler, qui nous donne peut-être aussi une clé de lecture pour comprendre pourquoi il renonce à sa passion pour Olga, et c'est un renoncement au type de la dans le style de la princesse de Clèves ou de la Camille de Musset. Il y a une interrogation hein, autour de ce nom qu'a le courage quand même de formuler Oblomov. Eh bien, voici un élément de réponse. Voici un texte bouleversant où il parle toujours à Stolz, Andrei. Il lui explique comment lui-même se perçoit et où il se situe par rapport à cette vie qu'il observe tel un spectateur. Sais-tu, Andrei, que jamais dans ma vie aucun feu ne s'est allumé. Ni bienfaisant, ni destructeur. Aucun. Ma vie n'a pas connu ce matin sur lequel peu à peu tombent les lumières et les couleurs, et qui ensuite se transforme en un jour et flambe dans la grande chaleur. Oui, tout alors flambe, tout scintille, tout éclate, avant que la douceur et la pâleur ne viennent, et c'est alors le soir, l'extinction. Chez les autres, les choses se passent ainsi. Mais ma vie, à moi, a commencé par cette extinction. Bizarre, mais vrai. Dès les premiers instants où j'ai pris conscience de moi-même, j'ai senti déjà que je m'éteignais. Je m'éteignais quand je trouvais dans les livres des vérités dont je ne savais que faire. Je m'éteignais parmi mes camarades quand j'écoutais leurs ragots, leurs bavardages méchants et plats. Je m'éteignais en voyant l'amitié faussement entretenue par des réunions sans cordialité. Je m'éteignais et je gaspillais mes dernières forces avec Mina, m'imaginant l'aimer parce que je lui donnais plus de la moitié de mes revenus. Et je m'éteignais aussi dans ces promenades si mornes, si lentes, le long de la perspective Nevski, parmi toutes ces pelisses de castor et ces cols d'Astrakhan. Et je m'éteignais dans toutes ces soirées, dans toutes ces réceptions, où l'on me recevait à bras ouverts, forcément, le fiancé possible. Et je m'éteignais enfin à monnayer ma vie et mon intelligence en allant sans cesse de la ville à la campagne, de telle ou telle villégiature à Gorokhovaïa, sachant seulement que c'était le printemps à cause de l'arrivée des langoustes et des homards, l'automne et l'été à cause des fêtes champêtres. L'amour-propre lui-même, à quoi le dépensais-je ? À commander simplement mes vêtements chez un tailleur à la mode, à être reçu dans une maison notoire, à serrer la main du prince P. Et pourtant, l'amour-propre, c'est le sel de la vie. Seulement, voilà, je n'ai pas compris la vie. Je ne suis qu'une vieille défroque flasque, usée non par le climat ou le travail, mais parce que depuis 12 ans, j'ai gardé prisonnière la lumière qui en moi cherchait une issue. Cette lumière, elle n'a fait que brûler les parois de sa prison. Puis, restée captive, elle s'est éteinte. Ainsi, mon cher Andrei, 12 ans ont passé et je n'ai même plus eu envie de me réveiller. Tout le tragique est là, Pierre Canet, c'est quand on comprend qu'Oblomov sait tout, devance tout. Et quand son ami Stoll s'apprête à le gronder, il lui dit « ne me gronde pas ». Tu penses bien que je suis au courant de ça, tu penses bien que je sais que tu perçois comme un problème le fait que je passe mes journées sur mon divan. Mais voilà, dit-il, dès les premiers instants où j'ai pris conscience de moi-même, j'ai senti déjà que je m'éteignais. C'est une parole que va reprendre tout l'existentialisme post-heideggérien, de manière très précise. L'homme, c'est quelqu'un qui s'éteint. Quand il répond à Stolz, après sa tirade sur la vie patriarcale, immobile, et Stolz lui dit « Mais et tu vivrais ainsi toute ta vie ?»« Oui, jusqu'aux cheveux blancs, jusqu'au tombeau, car c'est cela, la vie. » Définir la vie comme une situation où l'on sait que l'on s'éteint et où tout bascule dans le néant. Au cœur du repos de Gontcharov, il y a l'idée de néant. Le mot repos, qui est un mot si fondamental dans la culture française, il y a quand même une romancière, c'était une femme, qui a eu le génie d'en faire le mot clé du plus grand roman français qui s'appelle La Princesse de Clèves. Et le mot repos qui scande en permanence le roman, on ne le comprend pas si on ne le met pas dans la lumière de l'anéantissement intérieur et de la flamme qui s'éteint. Et ce qui est très fort chez Gontcharov, c'est que la dimension, je dirais, de, non pas de presque gaieté dans la manière de mourir. C'est pas gai, ce n'est pas hilarant. C'est simplement une conscience si forte de quelque chose qui s'use. Et la vie, c'est quelque chose qui s'use. C'est pas quelque chose dont on jouit, c'est quelque chose qui disparaît. Et ça, le monde français, d'une certaine sorte, l'a toujours deviné. Racine l'a parfaitement bien compris. C'est le grand tragique français. Il a parfaitement compris cela. Et Molière l'a aussi compris, mais d'une autre manière, mais tellement désespéré qu'il a voulu en faire une comédie. Et le passage à la comédie chez nous, c'est toujours la volonté de ne pas cacher l'essentiel, de rester fidèle à l'essentiel, mais cet essentiel est si insupportable qu'on ne peut le supporter qu'à travers le rire et la dérision. Et la grande force du roman de Gontcharov, c'est justement d'oser cela. Voici comment il le dit. Quel est donc, selon toi, l'idéal de la vie ? Interroge Oblomov, son ami. Stoltz. Stoltz. Qu'est-ce qui n'est pas Oblomovtchina ? Oblomovrie, traduit en français. Demanda-t-il timidement, doucement. Crois-tu vraiment que les autres ne désirent pas ce que je désire ? Allons donc, ajouta-t-il avec plus de hardiesse. Oui, le but, écoutez bien, le but de vos agitations, de vos passions, de vos guerres, de votre commerce, de votre politique, n'est-il pas, quand tout est dit, le repos ? Et le mot clé de toute une certaine culture française arrive là, le repos. C'est très étonnant, Gontcharov a retenu les deux mots clés de la littérature française et anglaise, le spleen et le repos, dans son roman. C'est que, comme il est très cultivé et qu'il est tout sauf un imbécile, il sait très bien ce qu'il fait. Il le sait parfaitement bien. Et là où il est d'autant plus génial, c'est qu'il parvient, à partir de ce constat que vous nommez avec beaucoup de justesse, Pierre Canet, que l'inutilité de l'existence, c'est qu'à partir de la question qui s'impose naturellement, à quoi bon si vivre c'est s'user, il propose un roman merveilleux de 500 pages. C'est quand même le sujet le plus difficile qui soit. Oui. Il y a une manière, je vais dire quelque chose de vulgaire, il y a une manière de s'en tirer en disant que les 500 pages, c'est comme un long, long, long voyage vers le néant. C'est l'idée de néant qui est au cœur de ça. Ces Russes-là sont des gens... Il faut se balader un peu en Russie pour comprendre tout ça. Et ce sont des croyants, mais des croyants pour qui la mort de Dieu est quelque chose d'épouvantable, insupportable. Et donc Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas, mais... Qu'est-ce qu'il attend pour paraître un peu, pour nous faire signe, pour nous dire, allez, j'ai pitié de toi. Viens, je t'aime. Ça, on le trouve dans la littérature russe, y compris, pas que chez Gontcharov. Ce que vous dites, c'est un trait de l'âme russe. C'est un art qui culmine dans un certain nombre de lieux de piété populaire que les Français considèrent comme quelque chose où l'intelligence s'abattardit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Machiavel est plus intelligent. C'est vrai que le grand Marivaux est plus intelligent. C'est vrai. Mais c'est pas une littérature qui vise l'intelligence. C'est une littérature qui vise la sensibilité, je dirais, centrale. Celle par laquelle nous sommes en permanence attaqués, exaucés, humiliés. Ils sont tout à fait paradoxaux. Eux, ce sont les Russes ? Oui, bien sûr. Ils ont été capables de faire une révolution à laquelle ils ne croyaient pas. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même unique dans l'histoire humaine. Nous, au moins, quand on a fait une révolution, on y croyait vraiment. On s'est réveillé un peu chaos, d'accord. Mais eux, ils y croient. Ils y croyaient. Donc, c'est pour ça que présenter Oblomov aux Français, je reviens à ce que je vous disais au départ, sur le mode simplement d'une méditation, de la sédie dont parlent les anciens, sur le plan de la paresse, sur le plan de la difficulté à se bouger, c'est faire bon marché de l'essentiel. Et c'est un crime contre l'esprit que de cacher l'essentiel par la parodie. Ça permet de rester à l'extérieur de l'essentiel, et donc ça permet de se cacher derrière son petit doigt. Comme on essaye de regarder derrière le petit doigt, derrière le masque, et d'essayer de mettre le doigt peut-être sur l'essentiel de ce texte, on va écoutez encore un extrait, cette fois-ci bien à la fin du roman. Oblomov a donc renoncé à son amour pour Olga. Il y a une ellipse dans le roman d'une année. On ne sait pas trop ce qu'il advient des personnages à ce moment-là. Et on retrouve Oblomov chez sa logeuse, Agafia Matveïevna, chez laquelle il vit et qu'il a fini par épouser, avec qui il a eu un enfant. Et la description que vous allez entendre est très troublante par son ambivalence. On ne sait pas si la tranquillité à laquelle lui... traversée d'angoisse, aspirait tant, et source de bonheur, ou au contraire, le fait d'assumer qu'il s'enlise de manière définitive. Écoutez, à vous de juger. Agafia Matveïevna avait engraissé. Sa poitrine et ses épaules traduisaient sa satisfaction. Ses yeux reflétaient la douceur et les petits soucis ménagers. Tranquillement, sans hâte, elle donnait des ordres. Et Oblomov, eh bien, Oblomov était l'expression parfaite et naturelle de toute cette tranquillité, de tout ce consentement, de toute cette paix imperturbable. Réfléchissant sur lui-même et son mode de vie, auquel il s'habituait de plus en plus, il décida qu'il n'irait nulle part, qu'il ne souhaiterait plus rien, que l'idéal de sa vie s'était réalisé. Il estimait que sa vie présente, dépourvue de poésie, prolongeait l'existence des Oblomov et que ce n'était pas si mal. Ici, comme à l'Oblomovka, il parvenait à en être quitte à bon compte avec l'existence, à lui extorquer le repos dont il avait besoin. Il était heureux d'avoir fui toutes les exigences obsédantes, douloureuses, d'avoir su éviter les orages, rayés certes par les éclairs de grande joie, mais où retentit presque immédiatement la foudre des grandes afflictions. Il avait décidé que sa vie présente, démontrait la possibilité d'une vie humaine idéalement paisible. Et cette démonstration le satisfaisait. À d'autres, se disait-il, d'exprimer les aspects inquiétants de l'existence, de mettre en marche les forces constructives ou destructrices, à chacun sa prédestination. Telle était la philosophie de ce Platon en robe de chambre. Oblomov décide que l'idéal de sa vie s'est réalisé, et le terme de « décider » est très important, parce que ça montre bien qu'il choisit de croire que, est-ce le cas ou pas, en tout cas il va en mourir, et comme si le refuge dans la vie quotidienne et domestique, y compris la nourriture, y compris les coudes d'Agafia, sa logeuse, ne pouvait que conduire à l'asphyxie. Ça qui est troublant, Pierre Canet. Ce qui est dans ce texte très très beau, et que je retiens, la foudre des grandes joies. Les éclairs même, des grandes joies. Ce dont il faut se méfier, étant donné l'homme que nous sommes, il faut se méfier de cet éclair, des grandes joies. Car la douleur qui vient ensuite est trop forte, n'est plus à notre mesure. Je renonce. Le roman du renoncement dont on parlait, qui est si fort dans la culture française, vous rappeliez tout à l'heure le Musset, le renoncement n'est pas un renoncement, je dirais, sans conscience aiguë de ce à quoi l'on renonce. C'est pas au bonheur que l'on renonce. Si on refuse la souffrance extrême d'avoir cru à ce bonheur. C'est le cas pour la princesse de Clèves, c'est le cas pour la Camille dans On ne badine pas avec l'amour. Ici, est-ce le cas? J'entends dans ce texte, ça n'engage que moi, une partie de mauvaise foi de la part de Blomov, dont le spectateur, le lecteur, n'est pas du tout dupe. Renoncer aux grandes joies, mais encore une fois, à quoi bon? Il n'en a pas été capable. Et la tranquillité qui est ainsi dépeinte est une tranquillité absolument dramatique, étouffante, asphyxiante. Personne ne l'envie, cet Blomov. Je ne suis pas tout à fait de votre sentiment, parce que la tranquillité en question, elle est pensée très claire par Gontcharov comme étant un renoncement à sa condition humaine. Elle n'est pas un triomphe, elle n'est pas l'acmé d'une... Mais elle est au contraire l'enfouissement de ce qu'il y a de supérieur en l'homme, son orgue, comme dirait l'autre... est en révolte. Si je choisis cela, je descends en dessous de moi-même. Mais c'est pour ça que c'est terrible à lire, et qu'on ne l'envie pas. Non, vous enviez ça? Je ne sais pas. Gontcharov lui-même dit, il décrit Oblomov dans ses derniers jours, cette vie avec Agafia, il dit qu'il s'allonge dans le cercueil spacieux du reste de ses jours. Le cercueil fastueux du reste de ses jours, c'est-à-dire que ce qui compte ici, c'est cercueil, bien sûr, mais fastueux. C'est-à-dire spacieux, que le cercueil spacieux, pardon. Avant, c'était déjà un cercueil. Je nais dans un cercueil. J'habite un cercueil. Le cercueil est mon lieu d'habitation depuis le début de ma vie. Et j'ai les frénétiques à la Stolz qui bâtissent, qui construisent, qui imaginent des usines. Une gare, là où il y avait l'Oblomovka. Ils sont en train de lutter contre l'implacable. Ils sont en pleine lutte, et une lutte perdue d'avance. Je ne veux pas me lancer dans une lutte. Vous savez, c'est un vieux thème théologien. Une guerre que l'on entreprend en sachant qu'on va la perdre est un péché. Mais il y a deux façons de se comporter face à ce constat de l'existence, de l'absurdité de l'existence et de la mort certaine dont on ne peut pas douter. Il y a celle d'Oblomov, qui renonce, choisit la tranquillité, enfin choisit ou subit, c'est selon. Et il y a la voix d'Olga. Olga qui est le personnage rayonnant par excellence, ce rayon de soleil qui tombe amoureux d'Oblomov et lui tombe amoureux d'elle. Olga la joyeuse, dont on apprend à la fin du livre, alors qu'elle aussi est heureuse, elle aussi, à épouser Stolz, dont elle est vraiment amoureuse, semble-t-il. Olga est traversée par une mélancolie, ce qui donne lieu à des pages sublimes, où elle interroge le ciel, la mer, la forêt, aucune réponse ne vient, et elle dit « Parfois, c'est comme si j'avais peur que rien ne change, que rien ne se termine. Je ne sais pas moi-même, est-ce là tout le bonheur, toute la vie, les joies, les chagrins, la nature, tout m'attire plus loin, mais je commence à n'être plus satisfaite des choses, d'aucune chose. Non, je dis des sottises, et elle n'ose pas assumer cette mélancolie. Mais le personnage d'Olga est là pour nous présenter une autre voie possible. » Face à ce constat, on peut aussi choisir, on peut aussi être joyeux, aimer, rire, rêver, sans s'enfermer dans une mauvaise foi auquel on donne le nom de tranquillité, et reconnaître cette mélancolie dont nous sommes faits. Il y a une mer célèbre dans la géographie, la mer des tranquillités, c'est-à-dire où tout s'enfouit, s'enfouir. Et c'est là où le personnage ne veut pas s'échouer. Il y a en lui la hantise d'un échec, mais c'est très codé, parce que où est l'échec ? L'échec est-il dans le fait que je renonce à Olga ? Ou l'échec serait de croire en cette illusion du paradis d'Olga ? Où est le véritable échec ? Il y a beaucoup d'orgueil derrière tout ça. C'est ce que Olga lui dit. Tu renonces à notre amour pour me préserver, mais quel orgueil tu as. Elle a tout à fait raison. Et tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à moi. J'aime beaucoup que ce personnage féminin soit finalement le personnage qui dit le plus de choses sur la condition humaine. Ouais. C'est un personnage extraordinaire. Et qui est la plus profonde, la plus accusatrice. Et la plus joyeuse. La plus solide. Car elle a des enfants. Il faut savoir qu'Oblomov a eu un enfant avec ce qu'on appellerait maintenant une bonne. Oblomov ou Gontcharov ? Oblomov. Oblomov. On disait ça quand j'étais petit. C'est un vocabulaire qui a pratiquement disparu. On ne dit plus la bonne. On dit les gens de service. Et qu'est-ce qu'on disait en disant la bonne ? On disait cet être qui nous sert, cet être qui fait que on a toujours quelque chose de chaud à manger le soir, cet être qui nous entoure de ses bras, la gnagna russe, celle contre laquelle le jeune enfant vient se blottir quand il a ses angoisses du soir. Alors si je veux éviter ces angoisses du soir, cette perte de l'enfance, ou qui est le moment béni ou sali, apparemment sans contradiction, le bonheur et la vie. Ce qui est l'objectif. Comment rester heureux en restant qu'un homme ? Qui n'est plus un enfant. Qui n'est plus un enfant. À l'enfance heureuse. C'est là aussi le drame de Blumhoff, dont il ne se remet pas. Bien sûr. Bien sûr. Là, le personnage est tout à fait à la fois lucide, pathétique, et on a envie de... C'est vrai qu'on a envie de le secouer. En disant un homme, c'est aussi de l'énergie. C'est aussi du courage. C'est aussi dépasser le sentiment du aquabon. L'aquabonisme, vous savez, de Gainsbourg. Hein, russe. L'aquabonisme. On a envie d'aller au-delà de cette espèce d'affaissement. Et en même temps, on reconnaît dans cet affaissement volontaire qui n'est pas un suicide à proprement parler, mais le suicide se promène dans ce roman, hein. Il se promène un peu partout. On le sent, il y a une odeur de suicide. Et d'ailleurs, la fin de la relation amoureuse qui est porteuse d'un avenir et d'un enfant, c'est une forme de suicide. On va se quitter avec une gnossienne fatiguée. Écoutez. Merci beaucoup Pierre Canet d'être venu nous parler d'Oblomov aujourd'hui. Tu vois qu'il vous remercie. On peut lire votre préface, donc, du Oblomov de Gontcharov, dont on a parlé aujourd'hui chez Gallimard, en folio, dans une traduction d'Adamov. J'ai parlé également de l'adaptation à la télévision par Guillaume Gallienne de ce texte, dans une traduction d'André Markovitch. Il en existe plusieurs. Faites votre choix, chers auditeurs, mais j'espère qu'on vous aura donné envie au moins de découvrir ce chef-d'œuvre. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, laissons Satie et sa gnossienne électro-fatiguée pour retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez d'actualité et de philosophie. Et aujourd'hui, une actualité qui concerne les livres, je crois. Oui, deux très beaux livres, Adèle. Deux très bons cadeaux, d'ailleurs, pour Noël, si vous cherchez. C'est Henri David Thoreau, Histoire de moi-même, paru aux éditions Le Passeur. Oui, je vous vois, vous êtes heureuse. Oui, ben oui, donc, dès qu'on parle de Thoreau. Histoire de moi-même, traduit de l'américain par Thierry Gillibeuf. Et puis, un autre livre, Guy Hockenheim, Un journal de rêve, paru il y a déjà quelques mois aux éditions Vertical. Alors a priori, rien ne lie Thoreau à Hockenheim, le philosophe américain au XIXe siècle de la désobéissance et de Walden, au militant gauchiste et homosexuel français disparu à la fin des années 80, en 1988 précisément. Pourtant, dans ces deux livres, on trouve le même engagement, souci, enthousiasme ou critique à penser leur époque et à la première personne. Alors, qu'est-ce qu'une pensée à la première personne ? Un jour de novembre dernier, nous avons eu un extraordinaire coucher de soleil. Je me promenais dans une prairie où un petit ruisseau prend sa source lorsqu'enfin le soleil, juste avant de se coucher, à la fin d'un jour froid et gris, a traversé une zone claire du ciel. La lumière la plus douce et la plus brillante d'un soleil matinal est alors tombée sur l'herbe sèche et sur les branches des arbres à l'horizon opposé, ainsi que sur les feuilles des chêneaux poussant à flanc de coteau, tandis que nos ombres s'étiraient loin vers l'est sur la prairie, comme si nous étions les seuls atomes de poussière de ces rayons. Alors encore Guillaume Gallien. Et oui, décidément, ce sera le fil conducteur de cette émission. Et hélas, il ne s'agit pas d'un extrait de Histoire pour moi-même, mais d'un autre texte de Thoreau qu'on vient d'entendre, c'était Marché. Alors pour cause, Histoire de moi-même, c'est un texte inédit de Thoreau, et l'idée était surtout de vous faire entendre cet emploi de la première personne chez lui, qui revient notamment donc quand il compte sa propre histoire. Alors que peut-on entendre par ce jeu ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. On peut par exemple y entendre l'incarnation d'une philosophie, des idées en germe qui s'actualisent au fur et à mesure d'un mouvement corporel, sensuel, charnel. On peut aussi y déceler la subjectivité d'un individu qui surgit toujours en contexte, dans une époque et face à des situations particulières. Enfin, ni philosophie corporelle, ni subjectivité en contexte. C'est l'expérience vécue comme source de pensée que l'on peut entendre par ce jeu. Et vous, Géraldine, qu'est-ce que vous entendez par ce jeu ? Eh bien, alors moi, j'y vois tout simplement, Adèle, l'importance de dire « je ». Thoreau lui-même le souligne dès les premières lignes de ce qui est au départ une conférence. « Certains, dit-il, sont venus, je cite, parce que je vivais là, dit-il. » Mais qui est ce « je » que souligne lui-même Thoreau ? Qui est cette première personne que viennent voir les gens ? Alors certes, les gens se déplacent ici pour voir Thoreau lui-même, mais ce « je » est-il le même que l'idée que s'en font les autres, ramenée à une image, à une réputation, à un nom propre ? Eh bien, quand on lit cette histoire de moi-même, ce « je » apparaît, loin d'être une image, comme une matière première, vitale, qui se travaille. S'appliquer à être bon, se dépouiller de ses préjugés, de ses biens, de tout ce qui nous encombre, alors non pas pour être plié sur soi, mais pour s'appliquer à élargir, je cite, et disperser les limites quotidiennes. Dépouiller est vital, quand Thoreau dit « je », il revient ainsi à lui, mais dans son plus simple appareil et opposé au carcan de la société. Si vous lisez un quotidien comme Libération, vous constatez que tout ce qui a été, on peut dire, l'axe de la politique de Libération, ce qui a fait sa célébrité d'ailleurs, c'est-à-dire la contestation de toutes les valeurs, c'est-à-dire la lutte aux côtés des mouvements minoritaires, qui soient d'ailleurs du féminisme, du mouvement homosexuel, des mouvements du tiers-monde, de tous les mouvements qui à l'époque représentaient la contestation. Cette position-là est définitivement abandonnée. Lisez Libération aujourd'hui. Libération aujourd'hui est un journal extrêmement bien fait, si l'on veut, mais dont l'axe est la défense de la hiérarchie du pouvoir, la défense dans le domaine économique des formes, disons, d'entreprise très proches de ce que Bernard Tapie défend également. D'ailleurs, je crois que Bernard Tapie et Libération ne sont pas très loin aujourd'hui. Dans le domaine militaire, c'est la défense de l'intervention au Tchad, par exemple. C'est systématiquement la défense des positions les plus extrêmes à l'intérieur même de l'étatisme ou du respect des valeurs établies. Vous posez à tous les carcans des valeurs établies, c'était aussi le cas de Guy Hockenheim dont on vient d'entendre la voix dans les années 80. De 1970 à 1987, justement, il n'a cessé d'employer le jeu à chaque actualité qui lui tenait à cœur, à travers tout un ensemble d'articles, notamment pour Libération, quand il aimait à l'époque ce quotidien. Alors, il y parlait de la cécité physique de Sartre, de la fin de l'université de Vincennes, mais aussi, il critiquait la nouvelle droite ou des critiques plus culturelles sur le théâtre de copie, ou encore, on y trouvait des récits, on y trouve dans ce journal de rêve de militants gays aux États-Unis. Donc, Guy Hockenheim, plus dans la réaction et dans le coup par coup, voire dans le coup de gueule qu'a Henri David Thoreau, lui, Guy Hockenheim, révèle que le jeu qui s'affirme face à l'esprit de son temps s'élargit lui aussi au-delà des limites individuelles et quotidiennes pour dessiner un nouveau nous. Alors, qui est ce jeu qui parle, s'affirme, s'élève, mais qui travaille aussi à l'élaboration d'un nous? Et bien, à ce moment-là, il faut rapprocher Thoreau de Hockenheim, car tous les deux insistent dans le fond comme dans la forme sur une première personne qui ne fait pas que prendre la parole ponctuellement et personnellement, mais qui se lit par tous, maintenant et dans les années à venir. Il est des mots, je cite la Thoreau, il est des mots adressés à notre condition qui, si nous pouvions les entendre et les comprendre, seraient aussi salutaires que le matin ou le printemps pour nos vies et montreraient sans doute un nouvel aspect des choses. Et Thoreau ajoute, combien d'hommes ont fait débuter une nouvelle ère de leur existence comme une sorte de seconde naissance de la lecture d'un livre. Et bien voilà, la première personne de Thoreau et Hockenheim, à travers ces pages arrachées au temps des voix qui travaillent encore à penser et à faire naître notre propre jeu. Merci beaucoup Géraldine, décidément Oblomov et Thoreau dans la même émission. Moi ça y est, j'ai eu mon cadeau de Noël. Vous donc, oubliez Guy Hockenheim. Alors, mais que je ne connais pas assez grâce à vous, alors, je vais vous offrir le livre. Alors dites-nous ces deux livres que vous nous conseillez de lire ou d'offrir pour Noël. Guy Hockenheim, un journal de rêve, c'est paru aux éditions Verticales. Et Henri David Thoreau, je vois que vous l'avez déjà à côté de vous. Oui, Histoire de moi-même aux éditions Le Passeur, traduit l'américain par Thierry Gilibeuf. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le journal de la philo. Un grand merci aussi à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Louis Servet, David Pargamin, Maria Aubert avec nous cette semaine, Nicolas Berger et Annabelle Brouard à la réalisation cette semaine aussi, Emmanuel Meurs-Duncan à la prise de son, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la fatigue. Demain, nous chanterons une ode à la fatigue en compagnie du philosophe Éric Fiat. D'ici là, pour écouter cette émission sur Oblomov de Gontcharov, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, pendant les vacances de Noël par exemple. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.